Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la poésie d'Hector de Saint-Denis-Garneau. De Saint-Denis est un grand poète. Et c'est par lui que j'ai découvert la poésie. C'est lui qui me prêtait des livres. La première fois que j'ai lu Superviel, Éluard, Reverdy, Claudel, tout ça, c'est de Saint-Denis qui me passait ces livres-là. Ça a été, comme je ne suis pas allée à l'université, il a été, vraiment été celui qui m'a ouvert les portes de la poésie. L'autrice Anne Hébert, la cousine d'Hector de Saint-Denis-Garneau, à l'émission Christiane Charette en direct en mai 1992, on a dit de Saint-Denis-Garneau qu'il était le poète de l'angoisse métaphysique et de la solitude. On lui a aussi attribué l'entrée de la poésie québécoise dans la modernité, et bien qu'il n'ait publié qu'un seul recueil de poésie de son vivant, il reste l'une des voix les plus importantes de notre littérature au 20e siècle. La première fois que j'ai lu cette œuvre-là, je dois vous avouer publiquement, puisque c'était à la radio, que je n'ai pas compris. Que j'ai fait partie des conservateurs qui étaient étonnés. Peut-être ma formation littéraire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Boucatière ne m'invitait pas à lire des textes d'avant-garde. Disons, très étonnés et peu intéressés. C'est plus tard, beaucoup plus tard, en 51, ça date, comme vous voyez, lorsque j'ai rencontré Madeleine B. Ellis, qui était une anglophone de Toronto, où je faisais des études de doctorat, qui commence à me dire « Saint-Denis-Garneau, c'est votre plus grand poète ». Et Étienne Gilson, philosophe, qui dirigeait ma thèse, me dit « Saint-Denis-Garneau, c'est votre grand poète à l'heure actuelle ». Et c'est peu à peu, sur la foi des autres, et non pas sur ma compréhension personnelle, que j'ai commencé à lire Saint-Denis-Garneau, et à le comprendre et à m'y intéresser. Je ne sais pas si c'est honteux d'avouer ça, mais c'est sur la foi des autres, c'est sur des enthousiasmes qui autour de moi que j'ai accepté Saint-Denis-Garneau et qu'ensuite je m'y suis en quelque sorte consacré pendant 15 ans pour une édition critique avec Jacques Brault. Le père Benoît Lacroix, qui a effectivement travaillé à la publication d'une édition critique de l'œuvre complète du poète Hector de Saint-Denis-Garneau, à l'émission Relecture en 1981, pour nous parler de la poésie, du parcours également de Saint-Denis-Garneau, je reçois Michel Biron, qui est professeur de littérature à l'Université McGill. Michel Biron, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier la correspondance complète d'Hector de Saint-Denis-Garneau et Michel Biron. Il y a quelques années, vous avez publié sa biographie. Mm-hmm. À quoi tient cet intérêt que vous avez pour lui? Qu'est-ce qui vous fascine tant chez lui? La première chose, c'est qu'il ressemble à personne. Il est seul de son camp. C'est pas un suiveux. Il ne ressemble pas au groupe. Et c'est aussi un esprit libre. Libre par rapport aux conventions du poème, libre par rapport aux idéologies de l'époque, libre par rapport à lui-même et à la poésie. Il va même s'en distancier par après. Donc, c'est un esprit libre. Oui. Il y a un lien aussi, puis ça fait sûrement partie de l'équation, deuxième ouvrage qui tourne de votre part autour de Saint-Denis-Garneau. Il y a un lien personnel qui vous unit à lui. Un petit mot là-dessus quand même, c'est plus qu'anecdotique. Ça vous a ouvert des portes d'ailleurs pour cette correspondance que vous publiez, la correspondance de Saint-Denis-Garneau. C'est un peu une légende dans la famille chez vous, Saint-Denis-Garneau. Oui, il fait un peu partie des meubles. C'est un ami de Claude Urtubiz. Claude Urtubiz, c'est le frère de ma grand-mère paternelle. Ouais. Donc, c'est mon grand-oncle. Alors, on racontait dans la famille que le petit enfant dans le poème « Le jeu », c'était mon père, ce qui était faux. Ouais. Mais c'est vrai que dans le journal de Garneau, il est question d'un petit bonhomme de 4 ans. Et ce petit bonhomme-là, c'est mon père. Donc, il est resté quelque chose dans la légende. Et puis, bon, c'est pas pour ça que je m'intéresse à lui, mais disons que ça faisait partie de l'horizon. Et aussi, ça m'a donné accès aux archives, parce qu'il y avait des problèmes d'accès. Il y avait beaucoup de documents qui étaient pas accessible pendant des années. Et bon, grâce à la famille, j'ai pu y voir et trouver des lettres inédites, entre autres choses. Je ne suis pas bien assis du tout sur cette chaise. Et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste. Immanquablement, je m'endors et j'y meurs. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches. Par bon, quitter cette chose pour celle-là. Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. Le comédien Jean-Louis Millette lisant la poésie de Saint-Denis-Garneau à l'émission Poésie québécoise depuis 1940, une émission qui a été présentée à notre antenne en 1984. De Saint-Denis-Garneau n'a publié qu'un recueil de poésie, Michel Biron. Pourtant, on le considère aujourd'hui encore comme l'une des voix marquantes, quelqu'un qui a été très, très important dans l'histoire de notre littérature au 20e siècle. Pourquoi? Oui, effectivement, c'est curieux. Une petite plaquette de 28 poèmes que j'ai entre les mains et qui a révolutionné la poésie québécoise. Pourquoi? Bien, il y a un avant et un après Saint-Denis Garneau. Avant, il y avait une querelle entre les exotistes et les régionalistes. On faisait de la littérature soit pour s'éloigner de la nation, de la patrie, pour se rapprocher de Paris, oui. Soit pour, au contraire, incarner une tradition plus nationale. Et tout le monde se situait par rapport à cette querelle-là. Garneau est en dehors complètement de ce clivage-là. Il n'écrit pas par rapport à ni l'exotisme, ni le régionalisme. Il est ailleurs. Il est aussi ailleurs par rapport au mythe romantique. Il écrit au nom d'un sujet. Le sujet, c'est lui. Oui. Et il le cherche. Donc, il va déplacer les choses. Il ne va pas réinventer la poésie. Il n'essaie pas d'être original. Il n'est pas non plus du côté de l'avant-garde tant que ça, malgré ce que le Père Lacroix dit. C'est une poésie relativement simple, dépouillée en tout cas, mais il ne correspond pas au mythe du poète. Donc, il y a quelque chose de différent là qui se passe et qui va être influent. Et donc, ce qui fait qu'il est marquant, c'est aussi que les écrivains par la suite vont soit le rejeter, comme Miron, qui ne se reconnaissait pas tellement dans ce poète qui disait qu'il y avait un trou dans notre monde. Miron disait, non, il faut le remplir, ce trou, il faut l'occuper. Mm-hmm. Garneau le regardait, le trou, il l'observait, puis il n'essayait pas de le remplir. Et donc, Miron et quelques autres dans la Révolution tranquille vont le rejeter, mais par après, Pierre Neveu, Yvon Rivard, Jacques Brault vont, au contraire, se réclamer de lui, et il va être sans doute le poète le plus influent de toute la littérature québécoise. Jusqu'à aujourd'hui. Il bouscule, il ouvre quelque chose qui, à ce moment-là, n'existe pas encore au Québec. Il ouvre toutes sortes de voies. Il est, comme je l'ai dit au tout début, il est très libre. Donc, il écrit en fonction de critères qui ne sont pas ceux des conventions, oui, du poème et qui ne sont pas non plus ceux du pays. Il n'écrit pas au nom du pays. Il écrit, lui, dans une perspective beaucoup plus universaliste. Il se réclame d'une poésie universelle. Et donc, il est là sans appui. C'est là, sans appui, que je me repose. Ça résume toute sa poétique. Un petit mot sur son nom, d'abord. J'allais dire sur ses années de jeunesse, mais tout ça est interrelié. Et sur ce nom, ce prénom, Hector de Saint-Denis. Pourquoi de Saint-Denis? Son nom de baptême, c'est Hector de Saint-Denis. Hector, parce que c'est son oncle, et puis bon, on lui a donné ce prénom-là, qu'il portait jamais. Il ne signait aucune lettre avec Hector, et il ne se présentait pas à ses amis avec Hector. Aujourd'hui, on dit Hector parce que c'est plus simple que de Saint-Denis, oui, qui est un prénom curieux. Curieux dans l'histoire du Québec, il n'y en a presque pas, sauf dans la famille de la mère de Garneau, Hermine Prévost. Là, il y a beaucoup de Saint-Denis, qui est un prénom emprunté à Nicolas Juchereau de Saint-Denis, un ancêtre qui avait été anobli par Louis XIV. Et parce qu'on avait cette espèce de culte de l'ancienne noblesse, on voulait conserver quelque chose de cet ancêtre-là. Et donc, on reprend le patronyme qui fait référence à un lieu, oui, on le reprend dans le prénom. Et il y a comme ça des de Saint-Denis jusqu'à de Saint-Denis-Garneau. L'oncle de Saint-Denis s'appelle aussi de Saint-Denis-Prévost. Son fils s'appelle de Saint-Denis-Prévost. Donc, il y en a quelques-uns. Eux vont laisser tomber le de. Garneau va garder le de parce que sa mère tenait beaucoup à la particule nobiliaire. Donc, il se fait appeler de Saint-Denis par ses amis, tout le temps. Et la famille aussi, on entendait Anne Hébert, c'est sa cousine. Ça fait partie aussi, ça, de l'histoire de Saint-Denis-Garneau, ses ramifications familiales. Il a une famille assez extraordinaire, quand même, du côté de sa mère et du côté de son père. Et c'est quand même l'arrière-petit-fils de François-Xavier Garneau, mm-hmm, le grand historien, le petit-fils d'Alfred Garneau, le poète, le traducteur. Donc, il est dans une famille très cultivée. Le père d'Anne Hébert, Maurice Hébert, est un critique réputé, influent. Il est beaucoup plus vieux, bien sûr, que de Saint-Denis. Et il va un peu lui montrer la voie, il va lui donner accès à des livres, etc. Donc, il est entouré d'une famille très cultivée. Et ça va ressembler à quoi, ce milieu dans lequel il va grandir, milieu cultivé, milieu aisé? Ça se passe, il faut le dire, d'abord entre Westmount et Sainte-Catherine-de-la-Fossambeau, qui est aujourd'hui Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Comment ça se passe, ces années de formation, je dirais? Bien, la première chose, c'est qu'il va à l'école à partir de 10 ans, donc il commence tard. Il était très libre, il a passé son enfance dans la région de Sainte-Catherine-de-Fossambeau, très, très libre, avec de temps en temps une petite leçon de ceci ou de cela. Puis après ça, il va au pensionnat à Québec pendant quelques mois et on le retire parce qu'on déménage à Montréal. Et là, il va entrer au collège de Sainte-Marie, là, le collège des Jésuites, le collège le plus élitiste, le plus réputé dans tout le Canada français. Il va trouver ça difficile parce qu'il est souvent malade. Oui. C'est une chose qui est une constante et il va être constamment retiré de l'école pour toutes sortes de raisons, mais la principale, c'est la maladie. Et donc, il va à ce collège-là. C'est un peu difficile. Il passe au collège équivalent du côté anglophone, le collège Loyola. Oui. Et donc, il va alterner d'un collège jésuite à un autre. Il passe de Sainte-Marie à Loyola, puis à Brébeuf, il revient à Sainte-Marie. Il se fait beaucoup d'amis. Il est dans des cercles littéraires. Il écrit dans des revues étudiantes. Il a vraiment une jeunesse un peu semblable à celle des jeunes hommes de bonne famille de l'époque. Il a un petit succès du côté de la littérature, de la rhétorique, et il est habile, il est bon aussi dans les spectacles. Donc, c'est quelqu'un qui est tout à fait « normal », entre guillemets. Ouais. Et il se socialise facilement, il n'est pas du tout timide, contrairement à ce qu'on peut penser. Il est extraverti, au contraire, il est très drôle. Mais c'est vrai que c'est intéressant, et ce n'est pas un hasard que vous insistiez sur le fait qu'il est sociable, qu'il se fait des amis, parce qu'il y a comme un mythe, il va mourir très jeune, avec ce mystère autour de sa mort, mais cette poésie de l'intériorité, ce mal-être, enfin, ces thèmes qu'on associe à Saint-Denis Garneau, ça fait partie, ça, du personnage. Je ne sais pas si on peut parler de mythe, mais donc, dans sa jeunesse, il a cette vie active, il gravit autour de la revue La Relève. Ça, c'est peut-être, et ça va être important pour lui, il y aura parmi ses amis des gens qu'on connaît, André Laurendeau, mais c'est peut-être la période la plus active, en guillemets, de sa vie. Oui, alors, à partir de 33-34, bon, il ne va plus du tout à son collège. Il a été diagnostiqué avec une lésion cardiaque, il doit se ménager, donc il abandonne les études. Il est désœuvré, puis ses amis, eux, ont soit terminé le collège, soit qu'ils sont aussi désœuvrés. Et ils veulent fonder quelque chose. On leur a dit qu'ils étaient l'élite de demain. Ouais. Alors, ils vont fonder une revue, La Relève. C'est Paul Beaulieu et Robert Charbonneau qui la fondent en 1934. Et Garneau va participer de loin à cette revue. Il va écrire de temps en temps, il va participer aux réunions. C'est très effervescent. C'est une période extraordinaire dans l'histoire du Québec. On est au lendemain de la crise. On peut tout faire. On a l'impression que tout est à faire. Et les jeunes intellectuels comme eux prennent les choses en main. Et donc, ils vont fonder une revue intellectuelle, une revue catholique de renouveau spirituel. Ce n'est pas une revue littéraire. D'ailleurs, il est le seul poète du groupe. Il est vraiment très, très différent des autres, mais il adore ce petit milieu qui lui ressemble beaucoup. Ce sont tous des garçons montréalais, bourgeois, etc., etc. Ils viennent vraiment du même milieu. Mais dans ce milieu-là, Garneau est un peu à part, sauf qu'il participe. Et donc, il a l'impression qu'il est dans la vie. Il veut participer au mouvement de renaissance au Canada. Oui. Donc, une grande époque pour lui, oui. Et puis arrive la publication de son seul et unique recueil. Je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne puis pas prendre. Je marche à côté de moi en joie, j'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi, mais je ne puis changer de place sur le trottoir. Je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là et dire « voilà, c'est moi ». Je me contente pour le moment de cette compagnie, mais je machine en secret des échanges par toutes sortes d'opérations, des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre, afin qu'un jour, transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie, avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi, avec la perte de mon pas perdu s'étiolant à ma gauche sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale. Le comédien Sébastien Ricard qui récite les vers du poème Accompagnement lors de la Nuit blanche de la poésie présentée à notre antenne en 2017. C'est en 1937 donc que Saint-Denis Garneau publie son recueil Regards et jeux dans l'espace. C'est le seul ouvrage qu'il va publier de son vivant. Que dire de ce recueil-là? Parlez-nous, Michel Biron, de l'écriture, des thèmes. Commençons peut-être par là, mais les thèmes qu'il y explore. Les thèmes les plus évidents, ce sont ceux de l'enfance. D'abord, ça commence par l'enfance, la nature, qui est très, très présente dans tout ce qu'il fait. La solitude, bien sûr, et il est le poète de la solitude. On aura beau dire n'importe quoi, c'est le poète de la solitude. Et la mort. Oui. Et d'ailleurs, les thèmes vont s'enchaîner de façon assez linéaire, c'est-à-dire que le recueil est très construit et on commence avec l'enfance, la nature, et puis ça va vers de gris en plus noir. Et donc vers une sorte de négativité, là. Il y a une sorte de noirceur qui s'installe, jusqu'à ce poème Accompagnement, qui est très lumineux par ailleurs. Donc il y a une construction, c'est un poète qui sait ce qu'il fait. C'est le seul recueil qu'il a fait, mais il l'a bien fait. C'est-à-dire que c'est un objet vraiment construit. Il y a dans cette noirceur, dans ce mal-être, il y a des gens qui diront plus tard, c'est aussi peut-être cette poésie de Saint-Denis Garneau, ce mal-être qui l'habite, le mal-être qui habite à ce moment-là, le peuple que nous sommes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, mais ça, c'est la lecture la plus courante qui a été dominante pendant 2-3 décennies. C'est sûr que Garneau est le témoin de son époque, comme disait son ami Jean Lemoyne, qui, lui, était furieux. Il en voulait beaucoup à son époque parce qu'il disait que c'est l'époque qui l'avait tué, qui l'avait empêché d'être lui-même, qui l'avait étouffé. Et donc, on l'a vu, Garneau, comme le poète de l'aliénation canadienne-française, l'écrivain en herbe qui ne parvient pas à s'émanciper, à s'assumer parce que le climat ne le permet pas, comme s'il était, autrement dit, une victime. Ça, c'est une lecture possible. Beaucoup d'autres, ensuite, ont dit, ben, attention, là, il n'est pas seulement victime, il est aussi très fort, il sait ce qu'il fait, il a une indépendance d'esprit qui est tout à fait remarquable. Donc, de le présenter juste comme une victime, c'est incomplet. À mon avis, il est le poète aussi le plus exigeant. Et c'est tout à fait faux de le présenter comme quelqu'un de faible ou de victime de l'oppression, par exemple. Et il faut rappeler qu'il n'a pas été opprimé. On l'aimait autour de lui. Il était dans une famille bienveillante, avec Anne Hébert, tout ça, mais tous ses parents, tout le monde le protégeait, peut-être le surprotégeait, et ses amis aussi ont constitué un milieu très favorable. Un mot sur sa langue, on a parlé de la thématique. Cette langue, qui, c'est peut-être ça d'abord, qui, puis on va en venir dans un instant à l'accueil qu'aura son recueil, son unique recueil, mais c'est peut-être la langue de Saint-Denis Garneau qui va davantage choquer. Parlez-moi de ça, de cette langue-là. Bien, choqué, en tout cas, elle va surprendre, parce que la poésie, à l'époque, c'était des alexandrins. Si on veut être poète, on fait rimer les vers, puis on garde les formes fixes. Et lui, il va renoncer à l'alexandrin. Il va le dire clairement, je renonce à l'alexandrin, pas parce qu'il était contre la poésie traditionnelle, mais il disait, c'est une phrase, c'est un vers trop solennel pour moi. Je me reconnais pas dans cette espèce de grande période-là, je peux pas respirer avec ça. Donc, il va casser le vers. Oui. Encore une fois, pas par révolution, parce que ça lui ressemblait peu. Et c'est ça qui va faire son originalité, c'est qu'il va trouver une langue qui coïncide avec lui-même. Et donc, il va faire des vers beaucoup plus dépouillés, plus prosaïques, on a dit, plus rêches peut-être, plus rocailleux, mais plus vrais aussi. Alors, sur la réception Cora, ce recueil de poésie, Regards et jeux dans l'espace, quand il sera publié, on écoute le père Benoît Lacroix, qui en parle à l'émission Relecture en 1981. Mais d'abord, le journaliste et homme de lettres André Laurendeau, un ami de Saint-Denis Garneau. Écoutez, c'est très intéressant d'entendre Laurendeau dans cet extrait à l'émission Aujourd'hui, en 1967. De 35 à 37, j'ai vécu en Europe comme étudiant. Et c'est pendant ce temps-là, la dernière année, je pense, que Saint-Denis a publié Regards et jeux dans l'espace. Quand j'ai lu ce recueil de poèmes, j'ai été absolument renversé. J'ai été extrêmement sensible à la nouveauté, à la fraîcheur qu'il y avait dans cette poésie-là, nouveauté par rapport au milieu d'alors. N'est-ce pas? Représentez-vous ce que c'était. Et je lui ai téléphoné à l'automne de 37. J'ai retrouvé au bout du fil le copain, n'est-ce pas, là, qui riait, qui s'amusait. Et tout à coup, je lui ai parlé de son livre pour l'en féliciter. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment eu une espèce d'impression physique de sa part de retrait. Comme s'il disparaissait. Il s'est mis à dire, oh non, ça compte pas. D'abord, il s'en est pas vendu, il m'a dit. Je pense qu'il s'était vendu à ce moment-là 37 exemplaires. Mais c'était plus profond que l'insuccès extérieur, quoi, matériel. Il n'était pas satisfait lui-même. Non, il n'était pas satisfait. Il avait l'impression, c'est du moins ce qu'il disait, que ça n'était pas sa voix et qu'il racontait des histoires. Il est certain qu'en 1937, nous assistions à ce moment-là avec Regards et jeux dans l'espace. C'était son seul recueil publié, recueil de poèmes, à quelque chose d'un peu révolutionnaire, si on peut employer le mot. D'abord, il brisait avec le vers, ne mettait pas de virgule ni point. Et ses amis seuls ont bien accueilli l'affaire. Ses amis, j'ai dit Robert Illy, Jean Lemoyne, Roger Duhamel, immédiatement, ont bien accueilli cela. Ceux qui étaient un peu au courant de l'intensité poétique de Saint-Denis Garneau, il y a eu une réaction extrêmement violente de la part de Val d'Ombre, Claude-Henri Grignon, très, très violente. Mais cette réaction-là, enveloppait au fond tout le monde de la nouvelle poésie québécoise, à qui on reprochait d'avoir laissé le vers, d'avoir abandonné les virgules et les points, et de jouer à un symbolisme devenu de plus en plus obscur. Alors, comment est accueilli Regards et jeux dans l'espace à sa publication, Michel Biron? On en a une petite idée avec ce que vient nous dire le père Lacroix, puis dans un deuxième temps, comment Saint-Denis Garneau va lui-même accueillir cette réaction-là? Oui, c'est un peu trompeur, c'est-à-dire que, oui, ses amis ont été les seuls à vraiment comprendre ce qu'il faisait. Autour, il y avait quand même quelques journalistes qui ont dit des choses aimables, à part Valdombre, qui a fait un texte assassin. Mais les autres ont été plutôt polis. Plus tard, Camille Roy va dire qu'il ne comprenait pas. Donc, il y a surtout une réaction d'incompréhension. Ouais. Mais le pire, c'est Garneau lui-même, quelques semaines après avoir publié son livre, il tirait à 1000 exemplaires. Et ça compte, parce qu'il a eu, je pense, il a eu honte d'avoir tiré tant d'exemplaires. Il en a vendu comme ça quelques dizaines, c'est ce que dit André Laurendeau. C'est un très beau témoignage d'ailleurs, que je n'avais pas entendu. Bravo. Ouais. Et il va donc en vendre très peu et les caisses vont rester chez lui. Et là, il va avoir l'espèce de reflet de son échec dans le sous-sol de la famille. Et il va s'en vouloir beaucoup et il va se voir comme un imposteur. Il va juger sa poésie très négativement. Et c'est un peu incompréhensible. C'est notre Rimbaud, si vous voulez, parce qu'il a décidé à ce moment-là de renier sa propre poésie jusqu'à un certain point, pas complètement, ouais. Mais en tout cas de sortir de la sphère publique. Il se retire carrément. Il retire son livre. Son livre était déposé dans les librairies à Montréal. Il va passer chercher ceux qui n'ont pas été vendus, ouais. Ce qui est normal. Mais il va vraiment tout faire pour être invisible, pour disparaître. Et même de façon physique, il va s'en aller au manoir et il va s'éloigner de Montréal. Il ne reviendra presque plus à Montréal. Avec cette mort qui va suivre à un âge très jeune, dans des circonstances un peu floues, on a dit toutes sortes de choses là-dessus. Voilà. Oui, parce qu'il est mort très jeune, à 31 ans. Il est mort de façon subite, d'une crise cardiaque. Il était sur le bord de la Jacques-Cartier. Il est allé récupérer une tente. Il dormait de temps en temps sur une île, imaginez. Et il fallait récupérer la tente. On était le 24 octobre. Il faisait froid. Il dit, bon, là, il faudrait que j'aille prendre ça. Donc, il va en canot, prend la tente. Et puis, c'est difficile de remonter le courant. Il va chez des voisins. Il demande s'il peut téléphoner. Non, ils n'ont pas le téléphone. Puis, il meurt. Il meurt en se rendant à son canot dans un... Et puis, on le trouve le lendemain seulement. Et on a tout de suite pensé qu'il y avait eu quelque chose. Donc, il y a eu une autopsie, un rapport du coroner. Mais tout confirme que c'était une crise cardiaque. Ouais. Mais il a eu une telle vie, et il a tellement parlé souvent du suicide, qu'on s'est mis à s'inquiéter. Puis, il y a eu une sorte de mythe là. On a dit qu'il s'était tué, mais ce qui est faux. Mais il y a du suicidaire chez lui, mais il ne s'est pas tué. Michel Biron, ça a été un bonheur. Ça a été trop court. On a même pas pu parler de son journal, de sa correspondance. Ah, on aurait pu faire une série d'émissions sur Saint-Denis Garneau. Professeur au département des littératures de langue française, de traduction et de création à l'Université McGill, auteur de deux ouvrages sur Saint-Denis Garneau. Merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.